Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette nouvelle édition du Café des Sciences. Alors c'est vrai, il y en a peut-être qui pensaient qu'en février on n'aurait pas d'édition du Café des Sciences. Eh ben, c'était sans compter sur la réactivité de nos intervenants. Donc oui, à la première mi-temps des prolongations, on a quand même réussi à lancer un Café des Sciences au mois de février. On remercie à nouveau, oui je me répète, au public d'être venu. Alors ce soir, le thème c'est l'infectiologie des colibris. Alors en termes d'intervention, on a la réserve naturelle des Lourags, qui est représentée ici par Jennifer Deville-Chavrol, qui est conservatrice à la réserve des Lourags. Donc la réserve des Lourags, c'est un acteur majeur pour la biodiversité en Guyane et qui accueille une station de recherche du CNRS. Donc pour ceux qui demandent un chercheur, qu'est-ce que ça fait quand ça vient sur le terrain, donc Jennifer va nous donner quelques éléments. Et nous accueillons aussi M. Borja Mila, du Musée National d'Histoire Naturelle de Madrid. Alors pour le faire en espagnol, El Museo Nacional de Historia Natural de Madrid, Espagne. Muy bien. Qui va nous parler de l'infectiologie des colibris. Donc, des applaudissements pour nos intervenants et j'accueille Jennifer sur le plateau. Donc, Jennifer, c'est à toi. Merci, bonsoir, merci d'être venu. Donc, ça, c'est juste un petit chapeau d'introduction, la réserve des Lourags. Alors, par contre, j'ai pas le petit bip. Juste pour contextualiser, la réserve naturelle des Lourags se situe. Alors, je sais pas si j'ai un. À peu près à 100 km du littoral guyanais, sur deux communes, la commune de Roura sur la partie nord et la commune de Reginaco sur la partie sud. Et on a des enjeux de conservation qui sont la forêt et sa mosaïque d'habitat. On a un petit exemple forestier et puis le Linselberg des Lourags qu'on voit régulièrement sur l'ensemble des photos qui présentent les Lourags. Et en cœur de la réserve, on accueille une station de recherche du CNRS, comme l'a dit brillamment Tommy. Donc voilà à quoi ça ressemble en termes de photos. Et puis en termes d'organisation, on a une cartographie ici, puisque donc la réserve des Lourags, c'est le pourtour en noir, c'est 105 800 hectares, elle a été créée en 1995 pour, entre guillemets, permettre la pérennisation des dispositifs de recherche qui sont situés au niveau de Pararé, ici, et au niveau d'Inselberg. Donc ce sont deux camps qui ont été créés, enfin qui ont commencé à vivre dans les années 75 pour les premières missions scientifiques, et ensuite la station du CNRS Inselberg, ici, en cœur de la réserve, a été créée en 1986. Et suite à ça, ce sont les créateurs de la station de recherche qui ont fait toutes les démarches avec les politiques locaux pour créer la réserve en 1995. En deal de cette réserve, il y avait aussi le camp Aratay qu'on essaye actuellement de réouvrir pour réaccueillir du public et des enfants. Aujourd'hui, c'est fermé, mais c'est tout un projet, le projet Coracine. Donc, en termes de gestion, la réserve naturelle des Lourags a les mêmes missions que toutes les réserves nationales de France, c'est-à-dire protéger, essayer de connaître, et ensuite faire du lien avec le territoire et lancer des projets pédagogiques. La spécificité des Lourags, c'est qu'il y a cette station de recherche en cœur de réserve, donc ça fait un lien particulier entre la recherche et la conservation. Et donc, cette station de recherche, qui est située en cœur de réserve, sur une zone de 9000 hectares dédiée à la recherche scientifique. Le CNRS gère cette station, gère la logistique et permet d'accueillir des scientifiques du monde entier. Et donc, souvent, on nous demande, mais que font les Lourags et que font les chercheurs aux Lourags? Pourquoi viennent-ils en Guyane? Pourquoi viennent-ils spécifiquement aux Lourags? Et donc, ce soir, on accueille Borja Mila qui revient tout juste de mission. Donc il était en mission au niveau du camp Pararé. Ça fait quand même pas mal d'années que tu viens au Lourag depuis 2007. Donc on a pas mal de recul sur les données autour des oiseaux. Et cette année, on a invité lui et son équipe à venir au camp Aratay pour aussi augmenter quelques informations et aller ailleurs dans la réserve des Lourags. Voilà, donc je vais laisser la parole de suite à Borja pour vous expliquer ses projets sur les oiseaux, en Guyane, au Lourag, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Alors, il y a l'infectiologie sur les maladies, mais pas que, et donc l'évolution des espèces. Je vous laisse découvrir. Et on applaudit. Ah, ok, bonsoir. Merci à la table de science pour l'invitation. Et encore un nouveau titre, troisième je crois ce soir. Finalement, j'ai décidé de parler de plusieurs projets, pas seulement le projet qu'on fait depuis 2-3 ans sur le paludisme chez les colibris et les autres oiseaux. Donc, on veut faire quelque chose de plus général, études ornithologiques dans la réserve minérale. Mon français est assez basique, mais j'espère que ça va le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors, oui, je suis au Muséum d'histoire naturelle de Madrid, en Espagne. Et je m'intéresse surtout à la. Bon, disons, la question principale. Je m'intéresse à le processus de spéciation. Le processus de spéciation, comment se forme la biodiversité, spécifiquement chez les oiseaux. Et vous avez entendu parler de l'arbre de la vie, comme, un peu comme métaphore de l'histoire de toute la vie sur la planète. Maintenant, c'est plus qu'une métaphore. On prend l'ADN des espèces et on peut construire un vrai arbre qui est basé sur cette donnée moléculaire. Et donc, on a un arbre où les petites branches là sont des espèces et on peut étudier les relations entre eux et les facteurs qui ont donné lieu à toute cette diversification. Par rapport aux oiseaux, moi je m'intéresse pas seulement à la relation entre les espèces, mais comment les différentes populations deviennent différentes et forment de nouvelles espèces. Non? Pour ça, c'est intéressant d'étudier la phylogéographie des espèces, c'est-à-dire comment la structure génétique des différentes populations sont distribuées sur la géographie de l'espèce. Et ça nous permet de comprendre les causes de la diversification intraspécifique et par extension le processus de formation des espèces. Dans l'Amazonie, il y a en fait pas beaucoup qui a été fait sur la phylogéographie, un peu plus les dernières 5-6 ans. Mais l'idée c'est de faire des arbres phylogénétiques intraspécifiques. Donc on prend une espèce qui a une distribution sur l'Amazonie, on prélève les sangs partout la distribution et on peut reconstruire l'histoire évolutive de ces populations. Donc chaque en forme de clade, ça c'est un arbre phylogénétique, on a les populations actuelles. Ça serait les ancêtres communs qui, en théorie, quand on parle d'espèces, sont des ancêtres qui sont déjà extincts, mais quand on parle des populations, sont en fait des ancêtres qui peuvent être ailleurs. Mais bon, en tout cas, on peut reconstruire l'histoire des différentes populations et voir la relation entre eux. Ça serait des outils pour comprendre les facteurs qui causent les différentes clades. Par exemple, des rivières, des barrières géographiques ou des différents habitats, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, des espèces dont on a étudié montrent qu'il y a beaucoup de structures partout en Amazonie, que cette structure parfois est fréquemment cohérente avec les différences phénotypiques, les différences de plumage, de formes, de morphologie. C'est très intéressant d'étudier ça à cette échelle pour comprendre les facteurs qui ont donné lieu à cette structure et à des possibles nouvelles espèces. Pour ça, il y a un nouveau outil, c'est pas nouveau en fait, c'est presque 20 ans qu'il est là, c'est le code-barre génétique. C'est un seul fragment d'un gène mitochondrial qui est facile à amplifier et séquencer en utilisant des méthodes qu'on peut séquencer chez toutes les espèces facilement, et ça facilite la comparaison entre les espèces. Et donc bon, c'est ça, c'est 50 peu près 500 paires de bases du cytochrome oxydase 1. Et on fait ça chez les espèces de la zone tempérée. On sait que la variation sur cette gène est parfaitement liée aux différentes espèces. Si on trouve à peu près 2% de distance entre espèces dans ces gènes, ça correspond très bien à ce qu'on considère qu'elles sont des espèces. Donc l'idée, c'est d'utiliser cet outil pour chercher, identifier des lignées différenciées et des espèces dans des zones qui ont été moins étudiées comme des tropiques. Et donc, bon, la première raison pour mon travail à la ONOAD, c'était 2007-2008, et j'avais travaillé plusieurs années à l'Équateur, et c'est une opportunité pour échantillonner les mêmes espèces qui ont une distribution pan-amazonienne. J'ai fait ça, et on a capturé la première fois 43 espèces qu'on avait en commun entre l'Équateur et la Guyane. Et en plus, quand on avait les deux côtés de l'Équateur, les deux côtés des Andes, on pourrait comparer la divergence pour la même espèce, la divergence qui est due caused by the Andes, due à les Andes, et la divergence due à l'Amazonie, sans barrière géographique. Okay. 40 espèces pour la comparaison transamazonienne et 13 espèces pour la comparaison transandienne. Donc on a échantillonné ces espèces à Onwag, ça c'est la station de Pararé, mais aussi on a travaillé à Linselberg avec plusieurs étudiants pendant des années. On capture les oiseaux dans des filets et on prend plusieurs données, on prend des mesures morphologiques, on prend les poids et après on prélève le sang pour les analyses génétiques et aussi, bon, maintenant on prend aussi des swabs, des échantillons buccales et cloacales pour étudier des trucs de maladies aussi. Et la même chose en Équateur, et là on a fait pas seulement le côté amazonien, mais aussi l'autre côté des Andes. C'est un endroit avec une diversité très grande aussi et très intéressante. Donc là, bon, la partie du labo c'était très facile. On prend l'ADN d'une plume ou d'une scalade, d'un échantillon de sang. On amplifie le marqueur qu'on veut, c'est le fragment du cytochrome oxydase 1. Séquençage automatique avec des machines qui marchent très bien maintenant, pas si bien il y a 15 ans, on faisait ça. Et après, chaque séquence, on génotype et on détermine la séquence, la plotype, disons, pour si on trouve une différence, on a connu une plotype différente. Et comme ça, on peut calculer la fréquence de chaque type génétique de ces gènes dans la population. Donc on peut comparer après tous les individus d'une population contre les individus d'une autre population. Vous allez voir. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une énorme variabilité par rapport aux distances intra-spécifiques quand tu compares la population des espèces à travers l'Amazonie et à travers les Andes. Ici, c'est la moyenne quand tu compares des populations intra-spécifiques. Population qui appartient à une seule espèce dans la zone tempérée, tu trouves en moyenne 0,4%. Toutes les populations sont très, très pareilles. En revanche, à l'Amazonie, on a trouvé 8 fois plus grande cette divergence en moyenne. Mais la variabilité est énorme. Ça, c'est le carbone d'espèces qu'on a étudié. Ça serait la moyenne en Amérique du Nord. Et c'est toujours moins de 1%, c'est juste là. En Amazonie, c'est très très variable. Il y a des espèces qui sont très très pareilles entre la Guyane et l'Équateur, mais après il y a des espèces qui sont super différentes. 8% de divergence par exemple de plusieurs espèces. C'est aussi intéressant que la distance génétique entre les populations est normalement pas liée à la différenciation phénotypique, le plumage, la couleur du plumage, c'est ce qu'on utilise normalement pour identifier les espèces. Donc ce qu'on a, c'est bref, beaucoup de travail à faire parce qu'on ne comprend pas du tout très bien cette diversité entre ce qu'on croit que sont différentes espèces et des lignées intraspécifiques qui en fait pourraient être des vraies espèces. Donc c'est ça le problème. Est-ce que, ce qu'on trouve, c'est que si on compare l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pas tropicales, toutes les distances intraspécifiques sont sous 1%, entre 0 et 1%. C'est des villes, hein, on compare l'Équateur et la Guyane. Il y a plusieurs pourcentages de divergence entre les populations. Donc ça, c'est possible, c'est la raison. Soit les espèces sont plus vieilles chez les tropiques, soit il y a une sous-estimation du nombre d'espèces dans les tropiques. Et je crois que c'est une combinaison des deux choses. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour voir quelle partie de cette variation est due à un manque de description des nouvelles espèces, par une manque d'études des énormes distributions de ces espèces, ou si il y a les processus de spéciation est plus lent. Et pour finir, quelques exemples. Là, en couleur, bon, chaque cercle, c'est un haplotype, disons, un type génétique entre deux et les branches, c'est une mutation. Donc, entre ces trois haplotypes, il n'y a qu'une mutation de différence. Mais entre ces groupes-là et ces groupes-là, il y a ces petits carrés qui montrent 41. Et ces 41 mutations, ça veut dire beaucoup de distance génétique. Okay? Donc là, il y a très peu de distance. Là, beaucoup de distance. Donc, pour vous montrer un peu la variation qu'on trouve, chez Cyanoides, en fait, il y a beaucoup de distance entre l'équateur et la Guyane. Toute la distance est entre les Andes. C'est causé par les Andes. Okay? Ça, c'est l'équateur de l'autre côté des Andes. Ça, c'est l'équateur amazonien. Et ça, c'est la Guyane. Donc, chez cette espèce, la grande différence, c'est les Andes. Après, l'Amazonie, très peu de différence. Par contre, si on regarde Dendrocynclea, on trouve pas mal de différences entre les deux côtés des Andes, mais aussi une grande différence à travers l'Amazonie. Et après, on a des situations complètement différentes, comme par exemple le Myrmidon, Myrmidon axillaris, où la différence est très petite entre tous. Ça veut dire qu'il y a eu une expansion très récente et que l'origine de ces populations sont très récentes en contraste avec les autres espèces. Et les histoires peuvent être super différentes. Par exemple, on a Tamnomanes qui a... Bon, ça c'est seulement entre l'équateur amazonienne et la Guyane. Une différence de 8 substitutions. Mais après, chez Turdus, il n'y a pas une différence. Il y a une origine très très très récente par toute l'Amazonie. Et par exemple, une autre fourmilier, Ilophilax fossilanotus, qui a une énorme différence à travers l'Amazonie. Et finalement, un cas intéressant, trois espèces de Myrmidons qu'on trouve en Oaxaca ont des histoires évolutives très très différentes, même dans les mêmes genres. Sont très, en fait, si vous connaissez les Myrmidons, sont très pareils, très semblables. Ils les trouvent toujours ensemble, ils font un peu la même chose, ils sont des bandes mixtes. Et pourtant, leur histoire évolutive et démographique sont très très différents. Celui à flanc blanc, très très pareil, on disait, entre l'autre côté des Andes, l'équateur amazonique et la Guyane. Le gris, c'est un peu intermédiaire, mais après longipennis, en fait, ça veut dire d'aile longue. On espérait qu'avec une aile plus longue, la dispersion serait plus grande, mais c'est l'espèce dans laquelle on trouve la différenciation plus forte entre les deux côtés de l'Amazonie. Donc, des histoires évolutives très différentes. Il ne faut pas penser que... il faut étudier chaque espèce indépendamment, parce qu'il n'y a pas apparemment des patrons général. Et donc l'idée, c'est de... Ça, c'est une façon de détecter des groupes intéressants, des espèces intéressantes à étudier. On a identifié des lignées intéressantes, et maintenant il faut combiner ça avec les données phénotypiques, des plumages, des morphologies, des comportements, des champs, pour délimiter les nouvelles espèces qui sans doute vont apparaître. Ça, c'est des exemples où on a beaucoup de distance génétique, mais aussi une différenciation génétique, phénotypique considérable. Si Forinus arada, c'est très clair. Il y a une étude récente qui a déjà divisé ça en plusieurs espèces. Mais Hylophilus, par exemple, il y a beaucoup à faire. Surtout au centre de l'Amazonie, il y a très peu qui a été fait. Une autre petite étude qu'on a fait dans le contexte de cette étude, mais spécifiquement au Noailles, on a trouvé chez la dryade à queue fourchue, que vous connaissez, très commune au Noailles, si on fait un arbre avec toutes les séquences des genres talouaniens, comme un GenBank, c'est une base de données publique, et on met dedans les échantillons de la Guyane, et en fait, on trouve que ça forme deux lignées complètement différentes de Talouane et Foucata dans les Noailles. Ça a été très surprenant, parce que apparemment, phénotypiquement, le plumage, il n'y a pas de grandes différences, il n'y a pas de différences évidentes. Donc, les différences dans cette gène de mitochondrie était énorme. En fait, un des clans est plus proche à Glaucopis, qui est une espèce assez différente au sud de l'Amazon, de la rivière Amazon. Et donc c'était surprenant. Donc après ça, on a utilisé des séquences de partout le génome, parce que ça c'est que les mitochondriels. Donc il fallait confirmer avec des données de tout le génome. Et ça a confirmé que non, effectivement, c'est un seul lignée. Donc, ce que ça dit, c'est que historiquement, il y avait deux populations très isolées, mais ils ont devenu une seule. So, ils appellent ça parfois reverse speciation, spéciation en reverse. Okay? Il y a des choses qui. Il y a différenciation allopatrie, mais quand ils deviennent ensemble encore, ça peut. Soit il y a une isolement reproductif, et ça devient deux espèces, soit ça se mélange, et donc il n'y a rien. Et c'est ce qu'on a détecté là. Il y a eu un cas de différenciation et coalescence. Ok. Donc, je voulais vous parler un peu sur ce projet qu'on a commencé il y a 4 ans maintenant avec des collègues de l'Université Complutense de Madrid, Javier Pérez Félix, Christophe Thébois de l'Université de Toulouse. Et bon, Javier a bossé sur le paludisme aviaire depuis longtemps. Donc, on avait des centaines d'échantillons déjà collectés. Donc, on a commencé cette collaboration. Et l'idée, c'est bon, l'idée initiale du projet, c'était d'étudier les interactions hôtes parasites, spécifiquement l'infection des colibris par le paludisme aviaire. Et ça, c'est parce que comme introduction, vous savez, le paludisme, c'est un peu comme chez les humains, mais sans des espèces différentes. Et chez les oiseaux, c'est trois genres différents, c'est le Plasmodium, Hemoptrotus et Leucocytes 1. Il y a une phase infective dans le foie, mais après il y a une phase dans le sang qu'on peut détecter, et on peut même quantifier le niveau de parasitémie dans l'oiseau. En plus, il y a une base de données publique qui a été créée pendant plusieurs années. Donc, tu peux identifier les différents types de paludisme que tu détectes n'importe où dans le monde. Tout le monde met les données dans cette base. Ça, c'est très bien pour voir, pour faire des études comparatives. Et l'idée pour ce projet, c'est, ça part aussi d'une étude qu'on a commencé à l'Équateur, et qui montrait que chez les colibris, il y avait un taux de paludisme très très haut. Et en plus, il y avait cette espèce d'Hemoptys witty qui était super haut, une parasitémie très très haute seulement chez les colibris. Donc on a pensé que, ça serait intéressant d'étudier la communauté de colibris en Ouraï, où les conditions, bon, la diversité est très différente et plusieurs conditions sont différentes. Enfin, ça, c'était en latitude, entre 2000 et 2500. Donc, on a commencé ça. On a testé, jusqu'à maintenant, plus de 800 individus, pas seulement colibris, hein, plusieurs espèces. Et pour l'instant, on n'a fait que Plasmodium et Hemoptys, c'est des gens. Donc on sait qu'il y a une infection, mais on peut pas. On pourra, mais pour l'instant, on ne sait pas laquelle. Mais bon, c'est du paludisme en tout cas. Et dans 800 échantillons, on a trouvé 72 cas de. 72 infections, prévalence à peu près de 9%. Mais les différences entre les espèces sont énormes. Donc ça, c'est on a des données pour plus de 100 espèces, mais si l'échantillon n'est pas assez grand, l'erreur est trop grande. Donc j'ai pris les espèces pour lesquelles on a une erreur assez bas, moins de 10%. Okay? Ça, c'est parce que le numéro d'échantillons, c'est assez grand. Là, on voit un patron très intéressant. La première chose, c'est que chez les colibris, il y a très, très peu de palud. Donc, notre idée originale ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir voir ce qui se passe avec les colibris et l'impact que le paludisme sur les colibris a sur l'écosystème. Parce que les colibris, bien sûr, sont très importants pour polliniser plusieurs espèces de plantes de la forêt. Donc, on va penser à le faire d'une autre façon. Si vous voyez en bleu, ce sont les espèces de colibris qu'on a échantillonnées et ce sont les taux les plus bas. Okay? C'est les prévalences sont presque zéro, sont très très bas. Et ça c'est en ordre de prévalence. Donc, mais après, il y a des espèces où on a des prévalences très très hautes. Par exemple, Myonectis magonelli, c'est un mougerole. Ici, vous l'appelez micro-mort. Voilà. Parce qu'en fait, c'est frugivore comme les tuyaux, comme les manakins. Et c'est intéressant parce que c'est presque tous les individus ont du palud. Mais après, il y a plusieurs fourmiliers. Donc, il paraît qu'il pourrait avoir un facteur d'aliments. Il y a plus d'insectivores et plus de frugivores et nectarivores là. Donc on commence à voir ces données là. Il faut beaucoup d'échantillons pour faire ça, donc c'est long et il faut venir plusieurs fois pour avoir assez d'échantillons pour chaque espèce, sinon l'erreur c'est trop. Mais bon, on commence à formuler des hypothèses par rapport à ces patrons assez étonnants de prévalence très variable entre espèces. On fait des études en collaboration avec Laura Benitez aussi de l'Université Complutense par rapport au virus. On prend maintenant des échantillons buccal et cloacal. Et un projet qu'on vient de publier, c'est cette nouvelle type de girovirus, pas coronavirus, qui est très très rare et très divergent du reste des girovirus qui sont connus dans le monde. Et c'est un girovirus qui est seulement chez les oiseaux. Il y a des autres espèces qui sont partagées avec les mammifères et les humains. Hein. Mais celui-là est très très différent. Et c'est un exemple de ce qu'il y a beaucoup à faire encore dans des endroits comme ça, qui ont été pas explorés assez à ce niveau-là. Et bon, et pour finir, je voulais vous, on arrive de l'Arataï, Caparataï, où on a fait le premier prélèvement des oiseaux. Avant, on avait travaillé à Pararé Inselberg, mais la réserve nous a invités pour commencer à prélever à inventorier la diversité là-bas et aussi prendre des données sur les bactéries. Et ça a été super, on a été là 3 jours. Et c'est un endroit très, très spécial. Personne n'avait mis des filets encore dans cet endroit. Donc on a eu l'opportunité unique de faire ça. Et ça, c'est le. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Le team Arataï 2020, Álvaro Ramírez, Agassi, le pilote international, Sylvain Urio, Jérémy Quentin. Moi, Jean-Pierre. Et ce qui est intéressant là par rapport à Pararé et Inselberg, c'est cette zone de marécage, de forêts inondées. Pas maintenant parce que ça n'a pas beaucoup plu, mais quand même il y a des espèces très très typiques de la forêt inondée. Donc c'était intéressant de mettre le filet dans un habitat complètement différent. Là, on met la table de travail au camp, on est tous en train de collecter les données. Et on a capturé plein de trucs intéressants, je vous montre quelques photos. Parfois j'ai oublié les noms, désolé. Après, des espèces qu'on ne capturait pas à la station du CNRS, des espèces plus palicoles comme Scateria naevia, Epognemolius melanopogon. C'est pas le village maintenant, c'est Willis Ornis Posidonotus, fourmilier. Le Tamnophilus murinus, je me souviens, en français. Vatara, souris. Voilà. Bien sûr, des espèces plus communes, sauf en 2018, où on a presque pas capturé. Il y a eu un crash de la population, normalement capture une des espèces les plus communes. En 2018, on a capturé que deux. Très étonnant parce que la reste des fourmiliers, on a capturé pas mal. À la pille à cravate noire, c'est un peu un endémisme guyanais. De la région guyanaise. Les myrmidons qu'on parlait avant, avec des histoires évolutives très différentes, mais des écologies très, très semblables. Et tout intéressant, la nabate flamboyant qui n'est pas facile à capturer. On a capturé un à la bataille et un autre par avec cette année. C'est du bruit, très cool. Ornithorhynchus coronatus, si je dis pas le nom français, je ne me souviens pas. Porte éventail. Wow. Ça, c'est une histoire intéressante. La première année qu'on a prélevé les oiseaux, 2007, on a capturé un oiseau comme ça, avec la crête là, jaune, plutôt orange, avec des pompons, à Inselberg. L'année suivante, 2008, on mettait les filets à Pararé. C'est à peu près 8 km. Et nos filets sont ridicules, hein. C'est sous bois, la forêt énorme. On a capturé le même individu un an après. Et c'est intéressant parce que le même individu avait un plumage comme ça la première fois, et un plumage comme ça la deuxième. Donc on sait que ce n'est pas seulement la femelle qui est comme ça, c'est le mâle aussi. Ils sont jeunes, ils sont plus jeunes avec les grands points. Et les adultes ont des petits points et beaucoup plus rouges. Le pauvre pipromorphe de McGonnell, qu'on disait qu'il a un taux de palud très très haut. Et en plus, vous voyez ici, si vous connaissez l'espèce, vous savez que ça c'est orange, c'est un plumage orange très joli, comme le Olivatheus. Mais on trouve souvent je dirais la majorité d'individus qu'on capture en Ouag ont les plumes oranges complètement bouffées, plus qu'au raquis. Il n'y a rien, il y a que le sang de la plume et c'est tout. Et on n'a aucune idée, on ne voit rien, comme on ne voit pas de parasites, peut-être c'est des bactéries qui mangent des plumes, c'est assez connu. Donc il faut explorer ça si vous avez des idées. J'essaierai d'intéresser. Les troglodytes, ces deux chantent très très bien. On a capturé un monomote hier, très joli, énorme, mais avec la queue complètement détruite. Et, Capitaine Eagle, c'est un barbare, non ? Cablaison. Cablaison, comme ça, ah, violent, l'oiseau. Très fort, les pattes, très fort, les becs. Il y a encore du sang maintenant. C'est très joli. Et finalement, les mannequins, les Pilotrix, sont tous assez communs. Mais il faut, c'est pas évident de capturer les mâles. On capture beaucoup de femelles parce qu'ils bougent beaucoup, mais les mâles, il faut être près du lait. Et mannequin assez rare de capturer dans les filets parce qu'ils sont très difficiles, je ne sais pas pourquoi, ils ne bougent pas trop, ils sont un peu purs. Puis la Neotes Vilesen, c'est le minuscule, le mannequin minuscule. C'est intéressant, tout petit, pas comme ça. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à notre collaborateur et tous les gens qui ont aidé sur le terrain. Et les sources de financement, et vous pour votre attention. Merci. Merci Borja, merci Jennifer. Mais pour ceux qui sont habitués du Café des Sciences, le public est aussi acteur. Donc maintenant, on laisse place à l'échange et les questions du public. Aucune question ? Ah ! Je voulais savoir, par rapport à la première partie de l'exposé, à partir de quelle distance génétique, à partir de quelle divergence, de quel pourcentage d'écart, on peut considérer que deux populations forment deux espèces différentes et est-ce qu'il y a d'autres critères que ces critères génétiques ? Oui, c'est une bonne question. On croyait qu'on avait à peu près une bonne idée, 2% ça tenait, c'est bien dans les zones tempérées, mais là dans les tropiques ça va être, on va avoir des espèces qui sont à peu près ça, mais aussi des espèces plus jeunes, mais aussi des espèces beaucoup plus divergentes parce que les distributions sont très grandes et il y a eu une stabilité climatique très forte pendant très longtemps, donc il peut avoir des populations qui ont été dans endroits différents très longtemps. Donc la différenciation dans des marqueurs neutres comme ça peut s'accumuler même s'il n'y a pas d'isolement reproductif. Ça va être variable. Et c'est important d'utiliser plusieurs types de données, non? Chez les tropiques, c'est très important d'utiliser les champs. Les champs, c'est très important pour l'isolement présygotique, non, entre les populations. Les femelles ne vont pas choisir un mâle si le champ n'est pas le bon. Même chose avec le plumage, des choses comme ça. Donc il faudra, c'est pour ça qu'ils appellent ça, bon, c'est un concept pas nouveau, mais cette idée de taxonomie intégrative, où c'est pas seulement la génétique, c'est pas seulement le plumage, c'est pas seulement le comportement, c'est tout le concept. Donc d'autres questions ? Non ? Et qu'on a parmi le public des personnes du BPS, gestion des protections de la nature. Donc, non, pas de questions? Non. Ah, oui. Celui-là, on l'a préparé. Je vais parler par le projet. Vous avez parlé de la stabilité climatique à l'Amazonie, mais nous savons que il a changé. Plus cette année, les sec. Cette année est très sec. Qu'est-ce que peut être la conséquence de changer le. Oui, non, c'est des niveaux de variation temporelle très différents, non? On va voir si c'est vraiment si le patron de sécheresse continue et à quelle échelle temporelle. Mais de toute façon, les processus de spéciation, ça se passe dans des échelles plus grandes. Et, ce qu'il pourrait y avoir, c'est des extinctions locaux. Non, ça, c'est clair. Il y a beaucoup de populations qui sont pas grandes. Il y a beaucoup d'espèces très rares avec des densités très basses. Donc, c'est possible que s'il y a des changements dans les conditions météorologiques au niveau local, il pourrait y avoir un effet sur la densité, même des extinctions locales. Et ça pourrait avoir un effet sur la connexion, non, le gene flow entre les différentes populations, ce qui à long terme pourrait avoir des conséquences évolutives, bien sûr. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, madame. Merci. J'en ai trois des questions, si tu veux. On est d'accord que ça se transmet aussi par le moustique hein, sur les oiseaux. Oui. Ouais. L'espèce que tu montrais avec... Pardon. Le plasmodium, oui. Les hémoproteus, c'est des petites mouches coulicoïdes. Bon. Ce sont des vecteurs des insectes de terre, oui. L'espèce que tu montrais avec les problèmes de plumes, là, c'est l'espèce qui a aussi une grande prévalence de paludisme. Est-ce que ça peut être directement relié? C'est peut-être, oui, ça pourrait affecter le système immunologique. Et on va voir si on a pris des notes pendant les années. Donc on va voir s'il y a un lien entre ça et le taux de paludisme. La deuxième question, c'est pour rebondir à ce que disait monsieur. On est sur des années un peu exceptionnelles en termes de climat. Mais j'imagine que ça touche aussi du coup beaucoup la population d'insectes, donc les transmetteurs de ce type de maladie. Donc est-ce que en termes de relevé, ça ne peut pas aussi éventuellement être des années exceptionnelles chez vous? Vous avez moins de prévalence de moustiques avec des taux de prévalence de ces maladies-là qui sont un peu bizarres par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Oui, tout à fait, c'est une très bonne question parce que on peut étudier les taux de paludisme chez les oiseaux. Et on peut étudier ce qui se passe avec l'oiseau, c'est rien sur les vecteurs, les insectes. Et bon, on a échantillonné hein, plein de. Mais bon, on a dû rééchantillonner parce qu'on ne pouvait pas, des réponses techniques, on ne pouvait pas identifier exactement ce qu'on avait collecté les deux années avant. Mais on met des pièges. Et on va voir s'il y a aussi s'il y a une relation. Parce que ce qui est intéressant avec notre étude à long terme, c'est qu'on peut voir pas seulement les taux de parasitémie dans un année donné, sinon à travers les temps, si on a chez quelques espèces. Donc on peut lier ça à l'abondance des vecteurs. Et ça, c'est très difficile à faire, mais on essaye, on échange. On a prélevé les insectes à trois niveaux de la canopée, sous bois, à moitié à 40 mètres. Mais bon, c'est une question, c'est un grand black hole, l'histoire des vecteurs. Et c'est clairement important, et en plus par rapport au changement climatique, ça pourrait avoir un effet surtout sur le, peut-être sur les vecteurs avant que sur les oiseaux. Dernière question, je ne sais pas si tu as la réponse, c'était presque plus une question pour Jennifer, je ne sais pas. Cette histoire où on découvre très régulièrement et de manière de plus en plus vite, j'ai l'impression, des espèces et des nouvelles espèces au sein de groupes qu'on a du mal à différencier par uniquement la morphologie ou d'autres critères. Ça a des conséquences en termes de conservation, quand on met des statuts de protection ou quand on essaye de voir à quel point les espèces sont menacées ou pas. Les outils qui sont donnés, notamment par l'État, pour ces choses-là. Ensuite, ça devient difficile de faire des actions quand on a les noms des espèces qui changent, quand elles deviennent de plus en plus nombreuses, qu'on est incapable de les repérer sur le terrain. C'est presque plus une remarque qu'une question, mais voir un peu s'il y a des réflexions là-dessus dans le monde de la recherche pour voir comment on peut faire ça concrètement après dans la législation des pays, en fait. Ouais. Oui, et ça, bon, ils font en compte, si on veut ça, que une chose c'est la systématique, la relation entre les espèces, la réalité biologique de la variation dans la nature, et après il y a la taxonomie. La taxonomie, c'est notre système pour classifier ça, et c'est assez imparfait. Les changements de nombre des espèces, c'est quelque chose un peu à part, parce que ça, c'est directement lié à des nouveaux phylogénies qui nous indiquent les relations entre les différents groupes. Et ce qu'on croyait que c'était un seul genre, par exemple les myrmidons, dans le fait phylogénie, on voit que en fait, celui de les myrmidons à flanc blanc et à l'angle. Les longipennes sont très, très liées, mais après il y a les myrmidons, je sais pas quoi, qui est complètement différent, donc ça devient un genre différent. Et ça change les noms scientifiques, et ça fait un peu bordel pour la conservation, pour la gestion, même pour la recherche. Hein. Moi, on a notre base de données, hein, plusieurs noms pour la même espèce, et ça devient difficile à gérer. Mais bon, après, il y a la réalité biologique. Et parfois, c'est pas très souvent, mais parfois, on a l'évidence qu'il y a des espèces qui sont très, très semblables par rapport à au trait que c'est facile pour nous d'identifier dans le plumage principalement ou les champs. Normalement, le plumage, c'est le plus évident. Normalement, il y a des espèces qu'on appelle critiques, mais en fait, c'est critique seulement pour nous. Pour eux, entre eux, c'est pas critique. Et normalement, ça a beaucoup à voir avec les champs, les comportements. Et donc, c'est la vie. Là, il faut apprendre les différences. Mais normalement, il y en a. Hein. Il y en a des différences. C'est une question de. Ça devient un peu plus difficile que. Dans ces espèces-là. Je sais pas, Jennifer, tu as quelque chose à ajouter ? Par contre, je me sens que tu avais une question. Juste pour compléter la réponse d'Eborda et la remarque même là, c'est très compliqué. Nous, côté réserve naturelle, on a une méthodologie nationale sur les plans de gestion et on va s'appuyer sur tout le travail des personnes qui travaillent dans la conservation pour établir des listes rouges ou des espèces protégées, des espèces à enjeu. Et à partir de là, on regarde toutes nos listes d'espèces qu'il y a dans notre espace, on mouline en fonction de tous les enjeux et on va sortir des espèces phares qui vont potentiellement mobiliser certaines actions dans nos espaces protégés. Et effectivement, on va surtout s'appuyer sur les recherches et les résultats de la recherche pour ensuite décliner les statuts des différentes espèces. Donc on va s'appuyer sur ce travail-là qui est fait en amont pour ensuite décliner nos actions en termes de conservation. Donc c'est pas simple. En Guyane, il y a le conservatoire, il y a le CSRPM, le conservatoire scientifique de protection régionale de la nature, qui va travailler en collaboration avec la préfecture pour établir des listes d'espèces. Et du coup, forcément, tout change si jamais on trouve de nouvelles espèces et savoir si ces nouvelles espèces-là, au final, elles sont rares ou pas, et on a un peu travaillé sur l'écologie. Du coup, je pose une question à Laura. Au départ, le projet sur les colibris et la physiologie des colibris, c'était la relation entre la malaria et ensuite l'impact que ça va avoir dans l'écologie. Si un colibri est infecté, il va potentiellement choisir une plante qui est plus énergétique pour compenser et donc du coup influencer sa pollinisation. Voilà. Si là vous n'avez pas de prévalence importante chez les colibris et que par contre là vous découvrez par exemple le plus courant que le martelail qui est très infecté, est-ce que vous allez réajuster un peu votre protocole et votre angle d'observation et voir comment ensuite regarder l'impact sur l'écologie de ces espèces les plus infectées ou pas? Comment ça va se passer la suite? Oui. C'est ça. Chez les colibris, on avait même prélevé les pollens sur le front, là, avec du scotch. Ça marchait assez bien, on avait des graines de pollen de tous les individus et l'idée c'était de lier ça avec des taux de parasitémie. Maintenant, si on n'a pas ça, on a un autre outil qu'on va utiliser, c'est le metabarcoding. C'est un peu comme le barcoding que j'ai décrit avant, mais appliqué à la SCATS, qui est le poo. On dit ça en français. Les crottes. Ouais. Les crottes. C'est pas les crottes, en fait, c'est des échantillons de local. Et tu peux identifier les espèces qui ont été consommées par l'espèce. Donc, on va faire ça, on va essayer de faire ça et voir avec les espèces, comparer un peu. Il y aura plusieurs niveaux, non? Niveau insectivore, carnivore, frugivore, nectarivore. Mais après, voir spécifiquement dans une espèce avec un taux très haut de parasitémie, il y a des résultats qui suggèrent que les oiseaux se médiquent, non? Ils choisissent, ils mangent des trucs quand ils sont malades, pour se guérir. Médicamenté, voilà. Donc ça serait intéressant de voir ça. Tu vois parfois des fourmiliers qui mangent des fruits dans un arbre. Et ça serait intéressant de voir si les fourmiliers qui ont du paludisme, on trouve dans leur cloaque évidence de quelques espèces de fruits. Donc ça, c'est bon, ça commence. Sinon, y a-t-il d'autres questions? Non? Donc, sous un tonnerre d'applaudissements, donc on remercie Borja, Anna et Jennifer de Lissabon. Merci à tous. Donc, en ce qui concerne la suite de nos activités, je vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, comme dans les séries télé que vous regardez à la télé, on va vous faire un petit teaser des prochains épisodes de la saison 2020 des Cafés des Sciences. En mars, à l'occasion de la fête du poisson à Saint-Laurent, donc on aura l'intervention de Vincent Vallée, qui est doctorant qui soutient sa thèse très prochainement le 12 mars. Donc il fera une intervention le 28 mars à Saint-Laurent. Et ce sera l'occasion de faire un premier Café des Sciences à Saint-Laurent. Et à ce titre, j'accueille nos deux animateurs de Saint-Laurent, Benson et Chakel. Sous un tonnerre d'applaudissements. Un de chaque côté. Voilà. Et gardez-vous quoi. Non, je sais. Voilà. Donc, actuellement, Benson et Chakel sont sur Cayenne pour passer leur BAFA, donc le stage pratique. Et quand vous irez sur Saint-Laurent voir l'intervention de Vincent à l'occasion de la fête du poisson, donc nos référents sont Benson et Chakel ici présents. Donc, on applaudit à nouveau. Donc, peut-être un petit mot. Déjà, bonsoir. Merci à vous d'être venus ce soir et d'avoir assisté à ce café licence. Voilà. Merci aussi. Et bonsoir. Vous n'échappez pas à cet état terrible. Dans cette pièce, il y a aussi des gens qui vont être invités le 11 mars à une sortie pour découvrir la biologie marine avec OSN. Donc, M. Podelu-Léo, que je vais inviter sur scène, ça va me mettre à l'aise. Léo, s'il te plaît. Mon travail, vous rappelez, c'est de mettre à l'aise. Merci, bonsoir. Merci, Glenn, d'avoir tenu cette rencontre. En fait, tous les 15 jours, vous pourrez retrouver nos médiateurs de la canopée des sciences au marché de Saint-Laurent, où il y a des sciences au marché, avec Olivier qui n'est pas là ce soir, que vous aviez pu rencontrer. Ils sont le trio Saint-Laurentais. Et vous avez maintenant pris l'habitude d'avoir notre chef de projet, Tommy, qui a bien mérité sa première semaine de vacances la semaine prochaine, après avoir été à Patou et à Saint-Laurent dans la même semaine, en revenant entre-temps à Cayenne. Voilà. Et Léo qui ne comprend pas. Parmi nos bénévoles qui est venu à Camopi pour la fête de la nature, qui va brillamment réussir son BTS gestion et protection de la nature. Et bien évidemment être employé. Entre autres. Et travailler jusqu'à ce qu'on travaille. Et dans ce sens, voilà, c'est toute une chaîne de valeur qui fait que des chercheurs aux espaces de conservation de la nature, jusqu'à M. Ackermann qui lui aussi gère un bel espace, la Trinité, on a pu mettre en place des choses qui permettent à des jeunes Guyanais de travailler dans ce sens et de devenir la parole qui porte ça au plus grand nombre. Voilà, merci à tous. Et ce n'est pas fini, parce que nous avons encore un animateur qui passe son stage pratique du BAFA, et j'invite Anthony à monter sur scène. Les films que vous voyez sur les réseaux sociaux par rapport au dernier Café des Sciences, c'est Anthony qui fait la captation vidéo et le montage. Merci. Comme mes collègues ont dit, merci de passer ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Alors pour le mot de la fin, alors je vous ai parlé du prochain Café des Sciences en mars. Donc en avril, on aura une intervention sur la pharmacopée de Guyane, donc les plantes médicinales. Donc ce sera Marc-Alexandre Tarot, qui est docteur, qui a soutenu en fin 2019, si je ne dis pas de bêtises. A priori, on met une intervention sur le langage sifflé des Wayampi. Olivier, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et probablement en juin, une intervention sur l'énergie solaire en Guyane, donc avec l'association Kuala Faya et celui qui vous parle. Donc, wait and see. Encore un tout petit mot pour conclure. Donc, dans les prochains jours, vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux la captation audio, comme pour les précédentes éditions. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et merci.